Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle suisse d'études des idées du Juche ont publié le 5 juin une déclaration commune à l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée. La déclaration a souligné que le Parti du Travail de Corée est le parti des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il qui conduit à la victoire l'édification d'une puissance socialiste malgré tous les défis et que l'œuvre révolutionnaire inaugurée par le président Kim Il-sung et avancée par le général Kim Jong-il sera achevée par le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un.